Troisième partie, chapitre 8 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Commune par Louise Michel. Troisième partie, la Commune. Chapitre 8, le flot monte. Il est temps qu'enfin le flot monte. Victor Hugo. Il montait de partout, le flot populaire. Il battait en raz-marée tous les rivages du vieux monde. Il grondait tout proche et aussi on l'entendait au loin. Cuba, comme aujourd'hui, voulant la liberté, il y avait eu un grand combat près de Mayan entre Maximo Gomez avec 500 insurgés contre les détachements espagnols qui avaient dû se retirer. 400 autres insurgés avec Bambetta et José Mendoga, l'Africain, avaient battu en brèche une tour fortifiée. Les républicains espagnols ne trempaient pas alors dans les crimes de la royauté. Castelo et Orange d'Albaida réclamaient à Picard du gouvernement de Versailles la mise en liberté de ce José Guizalula, qui, condamné à mort dans son pays, avait été en traversant la France arrêté à Tuyac par le maire sur l'ordre du préfet Bacozo, d'après les instructions de son gouvernement. Une dizaine d'années auparavant, l'Europe entière avait frissonné d'horreur quand Van Bennett avait livré le Hongrois Tebeki à l'Autriche, qui pourtant avait refusé de le mettre à mort. Les pouvoirs en allant vers leur décrépitude progressant dans cette voie, ils réunissaient de plus en plus leurs forces contre tout peuple voulant être libre. Quelques Français, soupçonnés d'appartenir à l'international, ayant dû quitter Barcelone où il était établi, les républicains interpellèrent le gouvernement. C'est à cette occasion que M. Castelar prononça les paroles suivantes. Quand la patrie est la nation espagnole, cette nation fière de son indépendance et de sa liberté, cette nation qui a vu avec horreur le nom de Sagonte remplacé par un nom étranger, cette nation qui vainquit Charlemagne, le plus grand guerrier du Moyen Âge, à Roncevaux, qui vainquit François Ier, le grand capitaine de la Renaissance à Pavie, qui vainquit Napoléon, le plus grand général des temps modernes, à Bailan et à Talavera, cette nation dont la gloire ne peut tenir dans les espaces, dont le génie a une force créatrice capable de lancer un nouveau monde dans les solitudes océaniques, cette nation qui, quand elle marchait sur son champ de guerre, voyait les rois de France, les empereurs d'Allemagne et les ducs de Milan humiliés suivre ses étendards, cette nation qui eut pour albardier, pour mercenaires les pauvres, les obscurs, les petits ducs de Savoie, fondateurs de la dynastie actuelle. Interruption. Monsieur Castelar, vous me rappellerez à l'ordre si vous le voulez, monsieur le président, mais je ne suis pas ici pour défendre ma faible personnalité. À cette heure, je défends mon inviolabilité et la liberté de cette tribune. Nouvelle interruption. Monsieur Castelar, je m'en rapporte à l'histoire qui, par la plume des Tacites et des Suétones, a libre et inattaqué, frappé les tyrans en bravant les Néron et les Caligula. J'ai dit, c'est de l'histoire que Filberto de Savoie, que Carlos Manuel de Savoie, que tous les ducs de Savoie ont suivi, pauvres et mendiants, le char triomphal de nos aïeux. Quelle parole n'est pas offensante si je n'ai pas le droit de parler des aïeux des rois, si leur personne est sacrée? Pourquoi, quand Madame Isabelle de Bourbon rentrait par cette porte, pourquoi voyait-elle devant ses yeux les noms de Mariano, de Pineda, de Riego, de Lassi et de Lampesinade, victimes de son père? Et je le répète, les ducs de Savoie suivez, pauvres et mendiants, le char de Charles Quint, de Philippe II et de Philippe V. Combien est loin de nous cette augure de la vieille Espagne de la séance du 20 avril 71, cette augure tragique qui involontairement faisait penser au Cid, si bien qu'on croyait en écoutant voir passer des spectres dans des gloires. Voilà qu'après 26 années, en place de ces fantômes, montrant du doigt leur ancêtre, on tombe à la forteresse horrible de Montjuïc avec ses bourreaux, tortureurs et sur les assassins de Maceo. La proclamation de la République en France avait enthousiasmé la jeunesse russe. La santé de la République et celle de Gambetta avaient été portées à Saint-Pétersbourg et à Moscou. De loin, elle était si belle. Le tsar épouvanté se concerta avec la police. Il y eut des arrestations dans toute la Russie. Et pour rassurer son maître, le chef de la police prétendit tenir entre ses mains les fils d'un grand complot. Mais il ne tenait que les clés des cachots et les instruments de torture. La Légion fédérale belge, les sections de l'international en Catalogne et dans l'Andalousie, envoyaient à la commune le salut des fils de Van Otteveld et celui des artistes peintres, écrivains, savants, héritiers des Rubens, des Gretry, des Vézal et des véritables fils de l'Espagne fiers et libres. L'horizon était enfin pour la délivrance de l'humanité, tandis que du nom de la voix, dans la chasse abominable contre Paris, les journaux de l'ordre à Versailles inséraient de lâches appels à l'égorgement. Moins d'érudition et de philanthropie, messieurs, mais plus d'expérience et d'énergie. Si cette expérience n'a pu monter jusqu'à vous, empruntez celle des victimes. Nous jouons la France en ce moment. Le temps est-il aux morceaux de littérature? Non, mille fois non. Nous savons le prix de ces morceaux-là. Faites un peu ce que les grands peuples énergiques feraient en pareil cas. Pas de prisonniers. Si dans le tas il se trouve un honnête homme, réellement entraîné de force, vous le verrez bien. Dans ce monde-là, un honnête homme se désigne pour son auréole. Accordez aux braves soldats liberté de venger leurs camarades en faisant, sur les théâtres et dans la rage de l'action, ce que de sang-froid ils ne voudraient plus faire le lendemain. Journal de Versailles, 3e semaine d'avril 1871. À cette besogne qui devait être faite seulement dans la rage du combat, on employa l'armée, ivre de mensonges, de sang et de vin. L'assemblée et les officiers supérieurs, selon la Lally, Paris fut servi au couteau. Fin de Le Flot Monte.